Alors, ma soeur, je t'en ai dit donc que le Seigneur qui a commencé cette œuvre-là, il va la rendre parfaite, d'accord? Quand il commence, il t'invite parce qu'il a un objectif qu'il a de vouloir avoir avec toi. D'accord? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous y êtes? Bon, prenons alors cette musique ici pour sa gloire et puis on revient. D'accord? Tu es la personne que Dieu cherchait et qui nous fut trouvé quand tu es lui-même. L'agneau de la rédemption. Chante le puissant, il y a grandi avec plusieurs. Les alliances dans les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu ne trouva personne avec qui s'aimer le signe de l'alliance qui pardonne. Notre Seigneur est vivant et il tient en réserve des bénédictions pour tous ceux-là qui se soumettent à lui et l'aiment. Enfin, il les connaît d'avance et il a programmé toutes choses en son temps. D'accord, frère? D'accord, mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour ces merveilleux témoignages-là du Lomé au Togo. Vous voyez effectivement, ces témoignages-ci sont faits pour vous montrer effectivement que la puissance du Seigneur n'a pas de limite. Qui n'a pas besoin de la présence d'un homme, d'un être humain pour pouvoir manifester sa gloire. Et donc il peut faire n'importe quoi, n'importe où il veut. La distance pour lui n'est pas une barrière. Et en fait, les distances sont faites justement pour manifester sa gloire et manifester sa puissance pour montrer le signe de sa présence. et il nous utilise comme il veut. Nous sommes donc co-ouvriers avec lui. Nous sommes ses ouvriers. Que Dieu bénisse Côte d'Ivoire dans la sainteté. Alors, on peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Frère Paul, Christine, Espérance, avec la sœur, notre sœur, bonsoir. Bonsoir, le frère Junior. Bonsoir à ma sœur, elle avait causé avec elle. Bonsoir, le frère Junior. Ça va? Oui, ça va. Tu es au rendez-vous, je sais, avec toi, on a prié la dernière fois, là, c'est de ça, quand on parlait avec notre sœur, c'est toi qui étais debout pour la prière, c'est sur toi que ça a commencé, non? C'était toi? C'était elle. Votre vidéo n'est pas claire. Pour le frère Serge, ta vidéo est vraiment claire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien tu as pris toute l'énergie de la Côte d'Ivoire. c'est bien clair chez toi. Le frère Serge, qu'ai-je dit? Non, en fait, je me suis préparé. Ah, tu t'es préparé voilà, en conséquence. Je me suis préparé aujourd'hui pour la fois dernière. L'adjectif. Oui. Vas-y, parle, frère. Oui, la fois dernière, là, si vous avez remarqué, j'ai quitté brusquement oui. Le forum. Oui. Voilà. Raconte-moi alors comment toi tu vois à la maison. Mais la dernière fois, t'ai-je dit que quel qu'en soit ce que le docteur oui, puisse dire. Écoutez, parce que le forum, parce que aujourd'hui. Vas-y, parle, mon frère. Je crois qu'il y a un décalage là maintenant avec le réseau qui est dérange là. Parle. Bon, si vous pouvez reprendre, je n'ai pas bien compris, il y a un décalage. Oui, je t'en ai dit, t'ai-je déjà dit que si à n'importe quoi, le docteur dit, le médecin dit n'importe quoi, n'écoute pas ce qu'ils sont dit, ne crains point le Seigneur jusqu'à l'œuvre. T'ai-je dit cela? Oui. Ok. Oui, j'ai bien reçu cela. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc garde cela. Souvenez-vous de ce qu'on disait, si vous lisez le livre de Luc chapitre 2, c'est ce qu'on disait de Jésus. Chaque fois qu'on disait quelque chose de Jésus, Marie prenait cela et repassait cela dans le cœur. Gardez cela et repasse cela dans le cœur, d'accord? Amen. Il y a vraiment un problème de connexion ce soir, c'est de stabilité. La connexion n'est pas stable. Oui, j'étais en train de causer avec la sœur. Avant de revenir vers toi, le frère Serge, avec la sœur qui est chez le frère Paul, j'étais en train de demander, c'est pas elle la dernière fois, on a prié là. Le même jour qu'on a prié pour cette sœur, c'est qui témoigne tout à l'heure là. C'est elle. Amen. Oui, c'est à toi, j'avais posé la question, qu'est-ce que le docteur, le médecin, qu'est-ce que le médecin a donné comme diagnostic? C'est ça, non? Oui. Mmh. Bon, alors, dis-nous, depuis qu'on a prié, comment tu vois? Ça va, hein? Je n'ai rien vu de grave, mais ça va. Il y a une recommandation qu'à l'issue de cette prière avait parlé. Tu te souviens de cela, ma soeur? Oui. Vous m'entendez bien? Voilà, donc frère Paul, si vous m'entendez, vous me faites seulement un geste pour vous montrer que vous m'entendez. Voilà, ce soir-là, j'ai dit il y a quelque chose qu'elle doit dire, s'ouvrir. C'est ça, non? Oui, tu as dit ça. Qu'as-tu fait, ma chère soeur? Vous avez parlé, je crois que j'avais parlé de la sœur Christine là, de la rencontre. Vous avez parlé? Oui, elle a parlé moi. Mm-hmm. Bon, ok. Après, je vais parler avec toi en privé, d'accord? Après qu'on ait fini dans le groupe, d'accord? Voilà. Alors, ma chère sœur. La connexion la dérange. Je ne sais pas si les gens m'entendent là. Le frère Madoché, vous m'entendez, n'est-ce pas? Il faut que la connexion, de toute façon, même la semaine prochaine, si la connexion est stable, je vais bien parler de ceci. Il dit, concernant cette soeur, c'est pour qui on a prié. Ce que le Seigneur a fait pour cette. C'est sur toi que ça a déclenché avant de se diriger vers le Togo. Donc ceci. Oh, mon Dieu. La connexion là n'est pas bonne. Le frère Madoché Kwame, rebonsoir, tu es là, tu es connecté. Le frère Jacques, du côté de Lomé, tu nous entends, ton micro est ouvert. Je vois ton micro ouvert. Oui, je vous entends. Voilà. Ça va j'entends. Voilà, okay, alors, voilà. J'entends maintenant. Coupe ton micro maintenant, comme ça, quand tu vas vouloir parler, tu parles, d'accord? Parce qu'il y a l'enfant qui crie chez toi, là. Le frère Madoché, ça va? D'accord. Vous voyez le frère, vous voyez comment le frère Yao dit qu'il ne parvient pas à joindre. Veille, lui, écrit de cliquer justement sur son onglet droit, l'onglet droit. Si il ouvre son Skype, à l'onglet droit, il y a rejoindre l'appel. Il clique là-dessus parce que l'appel est déjà lancé. Donc, tous ceux qui sont dans le groupe peuvent rejoindre le groupe à tout moment. Le frère Jacques, ton micro n'est toujours pas fermé. Voilà. Frère Serge, parle-nous. Le temps que le frère Madoché Kwame puisse ouvrir son micro et parler. Parce que je suis en train de regarder, c'est comme s'il a beaucoup de questions sur son cœur. Mais celui-là, il n'ouvre jamais sa vidéo, il n'a jamais vu sa vidéo. Le frère Madoché, tu m'entends? J'ai comme l'impression que tu as quelque chose sur le cœur que tu veux poser comme question. C'est toi qui es en train de m'attirer depuis. Le frère Madoché nous entend. Alors frère Serge, parle-nous. Voilà, son micro est ouvert, mais sa connexion n'est pas bonne. Le frère Madoché, tu nous entends? Oui, je t'entends. Oui, parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec le cœur là? Ton cœur en débat à un rythme là que je ne comprends pas. Mon frère, j'étais avec mon père qui est sorti, mais il y a une autre fille. Donc, il veut me sortir maintenant à l'aide. Les frères me suivent. Or, je suis contre cela. Donc, moi, je voulais demander ça, s'il vous plaît. C'est pour ça que ton cœur fait ces choses que je sens de ressentir là. Oui. Bon, le temps que ta connexion se stable. Oui, ta connexion n'est pas bonne. Il faut qu'on résout ce problème là parce que c'est ton cœur m'attire. Quelque chose bas sur ton cœur, ça m'attire. C'est pas bon. Donc, le temps que ta connexion se stabilise, on va revenir vers toi. Où est-ce qu'il est, le frère Serge? Oui, frère Serge, parle-nous. Frère Madoché, ferme ton micro, on va revenir. Il faut que tu trouves un endroit, et si tu peux être mobile, trouve un endroit que ta connexion soit un peu stable et un peu claire, tu reviens. Parce qu'il faut qu'on parle de ce qui est sur ton cœur là. Oui, mon cher Serge, allons-y. Oh. Ok. Bon, en fait, je vous envoie un message. Je suis pas reçu avec une vidéo. Oui, j'ai vu le message et je suis en prière avec cela. Donc, j'ai regardé cela. D'accord. Et j'ai donné à qui des droits. J'ai transmis à qui des droits, d'accord? D'accord. Tu sais que les démons spirituels, les démons pour des besoins spirituels, je ne suis pas le point de chute. Je suis un trait d'union. Un conducteur, je conduis à qui des droits. D'accord? D'accord. Mais c'est qui? D'accord. C'est que je suis en train de regarder. Ouais, est-ce que ce garçon-ci, est-ce qu'il a ouvert sa vidéo? Celui avec qui je parlais, Madoché, là. Est-ce que vous voyez sa vidéo aussi sur votre écran? Il a la vidéo. Il n'a pas de vidéo. Ah, tu n'as pas de vidéo. Mais au travers de ton écran, au travers de ton écran, les choses sont dans ton cœur. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez, cette chose ciblée-là, ça descend chez le frère Paul Espérance et son épouse. Vous voyez, le frère Yao aussi. Cette chose, vous voyez, le frère Madoché essaie de te positionner dans un endroit où il y a vraiment des besoins là maintenant, mais la connexion est en train de déranger. Le frère Madoché parle voix. Alors, le frère Madoché, tu nous entends? Oui, oui. Mmh. Oui, attends. Si c'est un problème, si ce n'est pas résolu, on risque d'attacher, d'arrêter et d'attacher. Et de taper même véritablement bien. C'est ce que donc il faut qu'on en parle. Ok. Parle-nous alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, attends. Si tu as le micro, parle au micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Vas-y, parle alors, mon frère. connexion n'est pas, je crois que la connexion n'est pas bonne avec lui. Le frère Madoché, la connexion n'est pas bonne avec toi. Tu peux te déplacer avec ton, si tu es sur ordinateur, il sait pas, tu es sur, le frère Yao, sa connexion n'est pas bonne du tout. C'est pour ça qu'il ne parvient pas à rejoindre le groupe. Le frère Eden également n'a pas de bonne connexion. Vous voyez, commence à quitter le groupe. Même également l'autre soeur José a le même problème avec la connexion. Donc ils ont, vous avez besoin de connexion là en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui se passe là maintenant. Le frère Jacques Bissan à l'entrée ici, il tente de parler de votre président, de votre président de votre pays, de prier pour lui. Oui, le frère Madoché, ta vidéo, ta connexion, ton micro est ouvert. Parle maintenant, tu parles voir. Frère Madoché, tu es, ton micro est ouvert, tu nous entends? Le frère Serge, merci pour ce que tu fais pour le frère Yao. Essaie de lui expliquer pour qu'il puisse entrer. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Le frère Madoché, est-ce que tu nous entends? Voilà. La sœur Espérance, la sœur Christine, pose la question à la sœur qui est à côté. Lorsqu'elle a fini de parler, là, comment c'est ressenti les jours d'après? Par rapport à la chose que dont c'est toi ce qui sais exactement, toi, elle, le Seigneur, et si besoin, moi, qui pourront savoir ce qui s'est passé. À l'issue de ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, dans la suite des jours? Comment c'est que tu t'es senti? François. Ah, mais ça s'est senti bien. Ces choses-là, tu l'as... Ces choses-là, tu l'avais déjà dit à quelqu'un? Je ne l'ai pas dit à quelqu'un, mais c'est quand je prie là, je demande pardon, un truc comme ça. Mais quand tu pardonnes, tu sais... Je ne l'ai pas dit à quelqu'un. Oui, mais tu sais que quand tu demandes pardon, quand tu te lèves, ces choses-là sont toujours là, n'est-ce pas? C'est là, tu vois. Parce que en fait, c'est de cette façon que le Seigneur veut que ça se passe, d'accord? Tant que, et quand tu finis, de faire ça, de toute façon, c'est maintenant, ça quitte ton cœur. Ça quitte la présence, cette présence la quitte. Donc, depuis là, maintenant, tu es en paix par rapport à ça, d'accord? N'est-ce pas? Que le Seigneur t'aime. J'avais honte. Tu avais honte. Mais le Seigneur est bon, il t'aime. La soeur. C'est ça. Vous voyez, ces choses-ci. Les choses du Seigneur doivent se passer comme le Saint-Esprit l'indique. Si tu fais n'importe quoi, c'est pour cela qu'il y a des confessions que, même si vous restez dans votre chambre, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses spécifiques qu'il faut faire. Parce que, bon, je crois que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi cette connexion, ce n'est pas bon, on devait entrer. Le frère Eden, bonsoir et bienvenue encore. Ta connexion aussi dérange. Tu es de quel côté? Le frère Eden, tu m'entends? Le frère Eden, rebonsoir et bienvenue. Oui, Fatima, tout à fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion ce soir? Non, en fait, tu n'étais pas connecté sur mon ordinateur, donc il a dû déconnecter et me reconnecter. Maintenant, tu nous entends clairement, n'est-ce pas? Oui, ça va, tout passe bien. Comment va Grace Chapda, la plus ivoirienne des Camerounaises? Elle va bien, elle est juste à côté. Et c'est maman? Je vais bien, mon frère Junior. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, frère Junior. Il y a une femme dans la famille qui va se lever pour te combattre. Donc fais attention, désormais, avec ce que tu as sorti de ta bouche. D'accord? Frère Junior, il n'a pas compris. Il y a une femme dans ta famille qui va se lever pour te combattre. Fais attention avec ce que tu as sorti de ta bouche. Parce que tu dis des choses qui sont mauvaises, ce sera la porte d'entrée pour te faire du mal. Souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ. Même si on dit n'importe quoi, reste tranquille. Amen. Tu as suivi, n'est-ce pas? Si tu as suivi ce que j'ai dit, répète voir pour que je sois sûr que tu m'as suivi. Ah, ok. Tu as dit que dans ma famille, il y a une femme qui va me combattre. Donc, de faire attention, tu vas sortir de ma bouche. Oui. En fait, ce n'est pas une personne cachée, c'est une personne que tu connais très attentivement. D'accord. Oui, d'accord. Hein. Attends, ça commence. Quand ça va commencer? Le frère Paul. Oui. Inquiétude, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le mot inquiétude pour toi? L'inquiétude, c'est la peur. Le frère Madoché se trouve où là? Attends, attends, je reviens. Le frère Madoché, ferme ton micro. Oui. Tu es dans un endroit où il y a du bruit, on ne t'entend pas bien. Tu y es? Voilà, merci de fermer ton micro. Frère Paul, vas-y, parle. Donc, je disais que l'inquiétude, c'est la peur, le manque de sérénité. Hmm. Selon toi, pourquoi je pose la question te concernant? C'est que ces temps-ci, là, il y a madame qui a fait le songe. Et c'est concernant. Oui. Et qu'est-ce qui arrive dans ton cœur? Qu'est-ce que ça t'a fait boum? Bon, en fait, quand elle a réveillé les songes, en fait, j'ai eu un peu mal parce que je ne pensais pas que ce qu'elle a vu là était vraiment la réalité, quoi. Mm. Donc, j'ai été vraiment inquiet par rapport à ça. Je ne pouvais pas penser que cela était la Bible quelque chose de vrai, quoi. Oui, attends, on arrive. La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Elle n'a pas fabriqué ça. Souviens-toi, une fois, je vous avais dit jeûner. Vous vous souvenez des jeûnes, n'est-ce pas? Oui. Combien de jours? 7 jours. 7 jours. Maintenant, vous gênez. À l'issue du salut, le Seigneur vient d'ouvrir les yeux pour que vous voyez des choses. Vous vous inquiétez. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prier encore. Vous allez encore jeûner 7 jours pour que Dieu ferme tous les songes, ferme tous les jours. Comme ça, vous ne voyez rien, quoi. Non, frère. Non, pas du tout. Non, parce que c'est ça que vous allez montrer. Parce que le but, vous savez, lorsque nous prions et que nous demandons quelque chose au Seigneur, remarquez très attentivement si vous lisez la Bible. Toute personne qui a posé des questions au Seigneur Jésus, ou mieux, même dans l'Ancien Testament, quand Dieu a toujours répondu, c'était toujours hors de nos attentes. Parce que ce sont des choses qu'on s'attendait le moins. Il y a des gens qui sont venus voir Jésus, Seigneur, je vais voir. Il va te laver dans le réservoir de Siloué. Pourtant, d'autres personnes, il avait pris la boue pour faire. Donc, quand cette personne vient, ayant déjà l'information qu'il touche souvent la boue pour mettre sur les yeux, il ne fait pas pour lui comme ça. Il dit, va te laver là-bas. Imagine que cette personne en allant, il dit, mais je croyais qu'il devait même faire aussi la boue comme il a fait l'autre. Il ne fait pas de la même façon. D'accord? Donc, souvenez-vous, je vous avais dit, ces jeunes que vous allez le faire, vous allez voir à l'issue de cela ce qui va s'ouvrir. Maintenant, à l'issue des jeunes, donc, les choses viennent, ça abat plus tôt. Qu'est-ce que vous en avez dit au Seigneur avec cela? En fait, ça ne m'a pas abattu. Mais en fait, c'est la question que je me pose toujours, quoi. Uh-huh. Donc, je ne suis pas abattu. Toutes ces choses, les positions que le Seigneur a montées sont stratégiques parce que ce sont des choses qu'on a pris pour faire des pratiques avec. La main est le symbole du lieu du travail. C'est ça. Vous entendez cela? L'autre songe est le symbole de la procréation, de la régénération. Vous voyez cela? Bon, frère. La décadence, la décomposition, c'est le signe de la pourriture. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas si tu peux savoir, si tu saisis ça maintenant. Amen. Voilà. Bon, frère. Et donc, la maison, c'est le lieu où ça a été fait. C'est aussi simple que possible, vous pouvez voir cela. Donc, c'est ça l'objectif des jeunes. Donc, à l'issue de cela, on va se rencontrer, plaise au Seigneur, demain ou bien, parce qu'après ceci, j'ai des gens qui veulent rencontrer du côté de la Belgique. Après cela, donc, toi, vous et moi, on va continuer la deuxième partie de ce jeu, parce que je vous avais dit que ce n'était pas terminé. Donc, des grâces, qu'on entre dans le domaine spirituel, laissez que Dieu fasse quoi que ce soit. Il se pourrait que vous pouvez imaginer si le Seigneur révélait aux disciples que c'était Judas qui devait le vendre la veille de son départ du monde. Si quelqu'un avec qui ils ont dormi comme ça chaque jour, on dit hein, Judas, tu es un serpent depuis, pas vrai, frère? Mon frère. Oui, il se pourrait donc que les gens qui nous côtoient soient le pire de nos ennemis, les personnes qui souhaiteraient notre chute. Remarquez très attentivement que les présidents, les coups d'État qui se passent dans le monde, les gens qui font les coups d'État ne sont pas les gens qui sont à l'extérieur, loin. Il y a toujours quelqu'un qui est proche de celui-là qui est au pouvoir. Pour pouvoir. Parce qu'il faut qu'ils connaissent le calendrier. les déplacements, les lieux stratégiques, comment on fait pour l'avoir, les points forts, les points faibles. N'est-ce pas, mon frère? Donc les gens qui sont proches de nous sont, peuvent être nos tueurs. Donc je vais revenir sur cela. Maintenant, la chose t'a quitté, maintenant c'est bon. Tu peux avancer de l'autre côté. Amen. Donc Madame Eden, je suis à toi. Madame Eden. Oui, pendant qu'il parlait maintenant, la chose qu'il regardait sur toi dès le départ, ça t'a quitté. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'il va enseigner aujourd'hui? Le frère Eden. Oui, mon frère. Comment ça va avec le travail? Comment? Ça va. Il y a le frère Jacques dont, dont le micro est ouvert. Oui, frère Eden, parle-moi. Au travail, ça va. Seulement qu'il y a un peu de persécution avec lui. C'est de ça dont je veux qu'on parle. Il veut qu'on parle de cela. De cela. Les personnes ne doivent pas te pousser à la compromission. Il faut qu'on parle de cela. Le frère Jacques, ferme ton micro pour qu'on parle au frère Eden. Quand je n'ai pas entendu un peu, ça coupe, il y a du bruit du côté du frère Jacques. Justement, c'est pour ça qu'il demande que le frère Jacques puisse fermer son micro. Frère Jacques, je crois que c'est fermé maintenant. Bon, je t'en ai dit, il ne faut pas que les persécutions. Voilà, le frère Yao est connecté maintenant. Il a pu rejoindre la conversation. Frère Yao, bonsoir et bienvenue. Frère Yao, tu nous entends? Tu es dans le forum maintenant, dans Côte d'Ivoire, dans la sainteté. Encore que ce soit que le Seigneur nous a permis qu'on travaille. Que toute la gloire lui revienne. Alors, frère, parlons-nous de ce travail-là, la persécution. La persécution ne doit pas te pousser à la compromission. Parce qu'il y a des pièges qui sont préparés devant de toi pour te faire retourner sur l'ancien chemin. D'accord? Oui. Parle-nous. Je comprends exactement. Tu comprends exactement. Okay. Oui. Que le Seigneur te bénisse. On ne retourne plus sur ce chemin. Amen. De ce chemin-là. Amen. Que le Seigneur te Amen. Bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse ce soir. Si il sent seulement pousser dans ces choses-là. Oui, mon frère Paul, dis-moi. Mon frère, c'était par rapport à la fête de demain. Oui. Voilà, la fête de la Sainte Seine. Oui. Voilà, demain, pratiquement, c'est une grande fête. Et est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Quand j'étais à l'église catholique, on prenait par exemple 40 jours de préparation. Et à l'utilise là, bon, soit disant préparation, hein, parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas publiques, bon, qui étaient faites pour se préparer à cette fête-là. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des dispositions particulières, un état d'esprit qui doit être fait pour pouvoir vivre pleinement cette fête-là? Donc, merci vraiment pour et cette question. Aussi, oui. Voilà. Et puis, je note comme aussi à le frère Angoran qui avait posté une information. Soit disant qu'il fallait faire une cotisation pour pouvoir faire la fête. Mmh. Est-ce que c'est public la manière de pouvoir organiser cette fête-là? J'aimerais que vous donniez aussi votre point de vue par rapport à ça. Déjà, je ne donnerai pas mon point de vue, jamais de point de vue à donner sur les choses de Dieu. Quand il a posté cela par rapport à la cotisation, tu ne lui as pas posé la question ipso facto, pourquoi alors? Non, bon, j'ai trouvé que c'est pas dans les normes, puisque dans la Bible, on ne demande pas de cotiser pour faire une telle fête. Mm-hmm. Donc, je pense que ça. De toute façon, on l'a proposé avec certaines personnes, bon, on n'a pas trouvé cela biblique, quoi. Mm-hmm. Prenez donc les Saintes Écritures dont on vérifie donc là-bas. La première chose que je vais vous dire, c'est que la Sainte Seine tue. Hein? Comment tu dis, hein? Tu me regardes comme ça. Il dit, la première chose qu'il vous dit, la bonne nouvelle qu'il peut vous dire, c'est que la Sainte Seine tue les gens. La deuxième chose qui est la bonne nouvelle maintenant, ou mieux qui est la mauvaise, c'est que ça ne guérit pas. Ouvrez alors le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 si vous y êtes. Le frère Eden, je crois que ta connexion est bonne. Je crois que tu pourras nous lire ça à haute voix et bien, non? Le frère Eden, tu es là, tu m'entends? Non, ça a coupé, j'ai pas entendu. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas bon de ton côté. Le frère Paul, parle un peu voix. Je crois que c'est bon de ton côté. Tu pourras lire. Oui. Pourra je vais voir, oui. Voilà. Il y a plus le passage. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà. Le plan à partir du verset 17. Là, à partir du verset 17, en descendant. Jusqu'au verset 33. Allons-y. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Stop. Et d'abord, j'apprends là. Que lorsque... Stoppons d'abord là-bas. Dans ce livre de 1 Corinthiens, de toute façon, le livre de 1 Corinthiens est destiné à régler le problème de l'Église. Et ici, il dit qu'en donnant cet avertissement, je ne vous loue point. Vous voyez, il ne faut pas qu'on se rassemble pour devenir... On est censé se rassembler pour devenir meilleur. Mais il entend là-bas au Corinthiens que lorsqu'il se rassemble, c'est pour devenir pire. Et il va lui parler ensuite maintenant qu'il entend dire déjà, même quand les gens se rassemblent, il y a des sectes. Et sectes, c'est les divisions des gens qui se mettent à part, en marge d'une chose. Avant de continuer là-bas, ouvre 1 Corinthiens chapitre 1. Ouvre le chapitre 1 déjà, lisons quelque chose là, puis on va revenir au chapitre 11. Et merci pour la question, parce que la question est conditionnée par rapport au jour de demain. Nous sommes en train de célébrer. 1 Corinthiens chapitre 1. Souvenez-vous que la bonne année, c'est que comme vous aimez souhaiter la bonne année. Pardon, qu'on y est, souvenez-vous que la bonne année s'est passée le premier jour du calendrier de Dieu, c'était le 17 mars 2018, d'accord? C'était le premier jour du mois d'Abib, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite, avec 2 semaines exactement de retard, bonne année à tous. Merci mon frère, à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, le chapitre 1, le verset 10, qu'est-ce que ça dit? Verset combien, 1? Le verset, chapitre 1, verset 10. Lis-nous seulement le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Oui. Vous entendez? Non, c'est bon, le verset 10 là-bas. On doit être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Maintenant, ça veut dire que quoi? Quand les gens, on doit être unis, même esprit, même sentiment. Alors au chapitre 11, donc, verset 17, donc, pour recommencer là-bas jusqu'au verset 33. Je vous suis. Donc je reprends le 17. Oui. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de vous, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous, nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais tant nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Avec le monde. Merci frère, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui ressort de ce que tu as lu donc? Qu'est-ce qui ressort? Il ressort effectivement, comme j'ai dit là, que la sainte, c'est la plus bonne nouvelle, c'est que ça tue. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mais ce qu'on vous a enseigné dans les dénominations, c'est qu'en prenant la sainte sainte, si vous avez la maladie, ça guérit. Et on dit plutôt que ça tue les gens. Ça rend les gens infimes. L'apôtre Paul, alors qu'il saisit sa plume pour écrire, le Saint-Esprit donne une révélation. Parce que là, on montre clairement que dans l'église de Corinthe, des gens mouraient inexplicablement. D'autres avaient des handicaps physiques dont on ne connaissait pas l'origine. Or, remarquez très attentivement, il écrit ceci pour régulariser quelque chose qui s'est passé. Donc, malgré qu'il fonctionnait dans l'ignorance, ça n'a pas empêché à Dieu de les frapper. Et le but pour lequel Dieu frappait comme ça, c'était pour amener plus tard l'enseignement pour corriger. Et il donne ici, effectivement, que nous sommes jugés. Dieu le fait cela pour ne pas nous condamner avec le monde. Parce qu'il faut qu'il frappe pour que plus tard, on ne vienne pas en jugement pour cela. Parce que Christ Jésus a dit dans Jean chapitre 5, au verset 25, que celui qui croit en lui ne passe point, ne vient plus en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, tôt ou tard, Dieu va nous corriger sur cette thèse pour qu'on participe à sa sainteté. Donc, on ne vient plus en jugement, qu'on ne soit plus condamné avec le monde. Vous voyez que depuis le chapitre 5, il commence à signifier que ceux dont là qui ont le Saint-Esprit habitant en eux commettent de l'impudicité telle que ça ne se nomme même pas dans le monde. Au point où les gens ont la femme de son père. Vous voyez cela? Et ils viennent donc manger à la table du Seigneur. Voulons-nous exciter la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui au chapitre 10 de 1 Corinthiens, chapitre 2, dans 1 Corinthiens. Et ici, donc, il donne donc la révélation qu'en réalité, les gens qui mouraient là, les gens qui sont handicapés, donc beaucoup d'entre eux, c'est à cause du fait qu'ils ont méprisé la table du Seigneur. Donc, pour répondre à ta question, tu vois effectivement qu'il y a un état d'esprit, des choses à faire pour y arriver. Il n'est pas fait mention qu'on jeûne pour arriver à la Sainte Sainte comme les catholiques le font, où ils disent que c'est la période de carême de 40 jours qui précède la venue du la période de la Sainte de la Pâque, comme ils disent. Mais d'où vient-il avec la période de 40 jours? Ils disent que c'est aux périodes de tentation du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la période de tentation du Seigneur Jésus-Christ au désert à l'issue de son baptême? Parce que son baptême va introduire dans son ministère, pas dans sa mort. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que 40 jours de jeûne a à voir avec la mort rédemptrice de notre Seigneur Jésus? Bon, donc, quand on veut parler de la Pâque du Seigneur telle que célébrée dans les Saintes Écritures, oublions la paganisation de l'Église catholique. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que l'Église catholique fait n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Depuis leur problème d'entrée, vous voyez effectivement que si vous prenez la semaine sainte, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Vous prenez la période de carême, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus dit. N'en parlons même pas avec la fête des rameaux, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus dit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien de chrétien. Encore grave, encore, vendredi saint, samedi saint, jeudi saint, ça n'a rien à voir. Pour arriver au niveau du dimanche, Jésus, vous savez effectivement que Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. Vous savez cela. Nous avons dit qu'on allait célébrer notre Jésus. Ça, vous célébrez, vous savez cela. D'après la Bible, Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Mais ils vont dire Jésus est mort un vendredi. Et il est resté dimanche. Et vous comptez de vendredi à dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Pourtant, Jésus a dit, il va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, c'est notre Jésus qu'on a de célébrer. Donc, la foule va être en liesse comme ça pour célébrer et notre Jésus. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur. Or, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 16, verset 1 au verset 8, Deutéronome chapitre 16, verset 1 au verset 8, Exode chapitre 12 et Exode chapitre 13, et allons-y dans le livre d'Exode particulièrement pour qu'on va voir quelque chose. Notez Deutéronome chapitre 16, les 8 premiers versets. Donc, il y a une manière donc, effectivement, de se préparer, d'accord, frère? Il y a une manière de le faire. Si vous êtes là, j'ai dit que vous allez dans quel livre déjà? Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Exode chapitre 16. Notez le chapitre 16, verset 1 au verset 8. Mais alors, j'ai dit Deutéronome chapitre 16, verset 1, verset 8. Mais prenons Exode, chapitre... La sœur Audrey... Demandez à la sœur Audrey de ne pas appeler. Demandez-lui de ne pas appeler, de joindre. De se joindre au groupe. Elle est en train d'appeler là et ça va créer la perturbation. Donc, je dis, ouvrez Exode, chapitre 13, le verset 10. Lisez le verset 10, frère. Qu'est-ce que ça dit? Exode 13, verset 10. Oui. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Voilà. Donc, l'ordonnance qui a été donnée au peuple juif devrait être observée au temps quoi? D'année en année. Non, au temps fixé d'abord. Fixé. Temps fixé, oui. D'année en année. De telle enseigne que lorsque vous lisez le livre de Luc, le livre de Matthieu, vous voyez effectivement que Jésus, avec sa famille, va monter à Jérusalem pour aller fêter ce qu'on appelle la fête de l'Éternel. Il y en avait trois fêtes annuelles. Si vous lisez le livre de Lévitique au chapitre 16 jusqu'au chapitre 19. D'accord? Vous allez voir toutes les fêtes là-bas dont on a parlé. Ces fêtes-là qui étaient où les Juifs devaient monter à Jérusalem. Plusieurs fois, on les voit monter à Jérusalem. Donc, ils connaissaient la journée, enfin, la période de cette fête-là. Dans le livre de Marc au chapitre 14, vous lisez Marc chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 26. Et vous lisez Luc chapitre 22. La Bible déclare que la période des pains sans levain était proche. Et Jésus va dire clairement à des disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours. Donc, ils connaissaient effectivement le calendrier. C'est pas ce que vous saisissez. Prenez Marc chapitre 14, lisez le verset 1, qu'est-ce qu'on dit avant de revenir dans Deutéronome chapitre 16. Marc chapitre 14, verset 1 et 2, qu'est-ce que ça dit mon cher? La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus et de le faire mourir. Voilà, ça va là-bas. Donc, ça va. Donc, ouais, effectivement, comment on dit que la période de fin des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Donc, il y a une chronologie. On sait exactement comment ça doit se passer. D'accord? Au verset 2 de Exode, chapitre 12, au verset 2, le verset 2 précise clairement que Dieu dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël que ce jour-ci vous sera compté comme ouvrez cela, ouvrez. Ouvrez Exode chapitre 12, verset 2. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé que vous preniez d'abord Exode chapitre 13, verset 10 pour que vous. La vidéo, la connexion, le frère, la soeur Asedou Adara est en train de recevoir l'appel sur son téléphone maintenant, alors qu'on est en train de parler. Pourtant, on est en train de voir quelque chose de bon ici, maintenant là. Donc, elle va se connecter, reconnecter. Exode chapitre 12, verset 2. Ou bien, prenez à partir du verset 1. Mais j'ai tendance à le dire. Au chapitre 13 d'Exode, verset 10, il est écrit que vous devez faire cette observance-ci au temps fixé d'année en année. Je veux que vous compreniez bien la chose. D'année en année. Chaque juif n'avait pas son jour à célébrer quoi que ce soit. Ça devait faire d'année en année. On ne célèbre pas trois fois par jour. L'autre fait le mois comme il veut. Et on va revenir dans, particulièrement dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, tout à l'heure. Là. Maintenant, verset 1 d'Exode, chapitre 12. Allons-y. 1, 2, 3, on y va. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà. Donc, première chose, voilà là où le calendrier juif est donné. Dans le mois d'Abib, ou mieux le mois des épis, est le premier des mois. D'accord, frère? Donc, quand vous dites que le calendrier grégorien, le calendrier juif, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà le calendrier de Dieu qui commence là-bas. Et donc, à partir de là, les Juifs ont la généalogie de leur calendrier. Ils peuvent savoir exactement. D'accord? Lis le verset 6 de ce chapitre 16, de chapitre 2, chapitre verset 6, du chapitre 12 d'Exode. Qu'est-ce que ça dit, le verset 6? Vous le garderez jusqu'au troisième jour de ce mois. Jusqu'au quoi, frère? Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour toi, de ce mois. Tu as vu troisième là-haut? Hey, mon frère. Ok. Donc, ouais, effectivement, que Dieu donne la spécification pour la fin de la Pâque. Il commence à avancer. Il dit le dixième jour, on va prendre un agneau. Ce sera un agneau sans défaut. On pourra prendre également un chèvre. Puis il dit on va le garder jusqu'au quatorzième jour. On va l'immorer entre les deux soirs. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Non, frère. Voilà. Donc, on a le temps de parler là-dessus pour ne pas aller trop loin, pour ne pas vous garder très loin. Je voulais dire tout simplement qu'effectivement, il y a des précisions concernant la PAC. Il faut qu'on redéfinisse ce que c'est et on dit ce que ce n'est pas. Il n'y a pas de semaine sainte dans la Bible. Il n'y a pas la semaine de 40 jours de jeûne en signe de procession pour pouvoir faire la Pâque. Il n'y en a pas cela. Il y a seulement la Pâque du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible déclare, célébrons la Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc lui, Christ, notre Seigneur, est notre Pâque maintenant. S'il est notre Pâque maintenant, on doit faire la commémoration en sa mort et en sa résurrection, principalement en sa mort. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, que vous avez lu là, que car toutes les fois qu'on célèbre, toutes les fois qu'on la mange, on annonce comme ça la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Or, le Seigneur n'est pas mort chaque mercredi, une fois par semaine, deux fois par mois, quatre fois. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se réveille. C'est une commémoration. Une commémoration a lieu d'année en année. Les peuples juifs ne peuvent pas rester comme ça et quelqu'un se fâche en disant que non, il faut qu'il célèbre la Pâque en souvenir du fait qu'il soit sorti de l'Égypte. Parce que c'est une signification. Les juifs, les Israéliens étaient en captivité en Égypte. Et c'était un symbole justement de l'humanité qui est en captivité du péché. Le peuple de Dieu qui est dans la captivité du péché. Dieu envoie quelqu'un qui est un proche parent. Moïse avait une paternité israélite. Dieu envoie donc le fait sortir. Or, il envoie maintenant pour aller les délivrer là-bas par la même puissance. Vous êtes avec moi? De la même façon comme Christ Jésus était notre proche parent, il sort de Marie et est pas pour délivrer le peuple de son péché. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et donc, la chose qu'il faut délivrer maintenant, c'est, vous remarquez que dans le peuple juif, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire sacrifier, immoler la Pâque pour qu'on mette sur les lintels de porte pour que le destructeur passe par-dessus. Qui passe par-dessus, c'est-à-dire qu'il les traverse pour traiter avec ceux qui les traitaient. Et donc, intercession nous dit quoi? Qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous causent affliction et de vous donner l'héritage, comme il a été dit, car Dieu ne nous a pas destiné quoi, à la colère, mais à l'acquisition du salut. Donc, par le sang de Jésus-Christ, nous avons accès. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous voyez, le fils si il vous affranchit, il parle du péché là-bas. C'est le fils qui a franchi du péché, de l'esclavage du péché. Et donc, ce n'est pas son sang. Et donc, qu'est-ce que l'édition de Dieu? La similitude entre le peuple juif, enfin, le peuple Israël en captivité, puis délivré. Et on annonce une commémoration pour célébrer cela. Ça se fait d'année en année, au temps fixé. Pour annoncer une délivrance qui viendra futurus. Dont l'agneau pascal, c'était le symbole même de Christ Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez. Alors, Christ, notre Pâque, étant immolé, il annonce également qu'on fait ceci en mémoire. En mémoire, ça veut dire quoi, frère? Il veut que vous me dites vous-même. Soyons sérieux. Dites-nous alors. C'est un souvenir. Vous vous souvenez comment? Comment on fait quelque chose en mémoire? J'attends la réponse de Côte d'Ivoire dans la sainteté. Si personne ne parle, je ne parle plus. Jésus, notre Seigneur, dit, faites ceci en mémoire de moi. Comment est-ce qu'on fait quelque chose en mémoire de quelqu'un? Voilà, en fait, on retrace les mêmes éléments comme le Seigneur l'a fait. Voilà, exactement comme il a fait. Oui. À la même période, à la même date. Ok, merci frère Nguessan. Dans ce cas, je vous pose la question. D'où vient-il que votre pasteur fait ça? D'autres fait trois fois par mois, d'autres fait le premier mois, l'autre fait le dimanche matin, l'autre fait le dimanche soir. Ceci, c'est quoi au juste en milieu chrétien? C'est le paganisme. Donc il faut qu'on arrête ça, n'est-ce pas? Comment? Il faut qu'on arrête donc ça, n'est-ce pas? Effectivement. Ok, dans ce cas, toi-même, dis au pasteur, donc là, en commençant par la Côte d'Ivoire, envoie-le le message et dis-le d'arrêter donc ça. Allons-y. Toi-même, parle. C'est Serge Nguessan. C'est toi dont je te donne ton identité pour qu'on te connaisse. Le frère Yao Jules, ferme ton micro. Le frère Yao Jules, bon arrivé, ferme ton micro. On parle des choses sérieuses ici. Ferme ton micro, il y a du bruit chez toi. Le Serge Nguessan veut parler une déclaration fracassante pour la Côte d'Ivoire. Allons-y, mon frère. Bon, en fait, je voulais dire à tous les ouvriers, voilà, que la Sainte-Cène, c'est-à-dire la Pâque, est une commémoration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les choses que le Seigneur a faites que nous devons vraiment faire à une date précise, à une période bien précise, qui sont indiquées, voilà, dans la parole de Dieu. Et que cela ne se fait pas à tout bon vent. Chacun ne doit pas se lever et faire la sainte scène comme bon le semble ou bien a dû une étude dans une école de théologie. Il faut que nous suivons ce que nous a laissé notre Seigneur qui se trouve dans les Écritures. Donc, j'exhorte vraiment aux ouvriers là, vraiment de se repentir de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont en train de détruire l'église du Seigneur. Les chrétiens, ils sont sur, qui subissent beaucoup de torts lorsqu'ils font ces choses-là. Parce que quand c'est mal fait, il y a beaucoup de malades parmi nous. Il y a la mort, il y a les gens qui sont atteints de paralysie, comme décrit la parole. Donc, il est bien que nous revenons exactement à ce qui est écrit, à la parole vraie. Donc, vraiment, je vous exhorte à changer de décision et à revenir à la parole de vérité. Amen. Que le Seigneur t'a laissé. Amen. Maintenant, que Dieu te bénisse, mon cher. Il s'appelle Serge Nguessan. La Côte d'Ivoire, il est à Abidjan. Donc, si vous voulez le retrouver, retrouvez-le là-bas. Alors, je vais donc, avant de continuer, je vais vous mettre une précision sur quelque chose. Vous allez remarquer que s'il y a quelque chose qui est détaillé dans les Saintes Écritures, c'est cette partie-ci. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu instituait cela. Il a donné beaucoup de détails, beaucoup de lumière là-dessus. À plusieurs reprises, il l'a fait. Au point où, lorsque les Juifs avaient déshonoré Dieu, au point où ils avaient construit les idoles, il y a un monsieur qu'on appelle Joas. Si vous lisez Joas, si vous lisez 1 Chronique au chapitre 30, et le roi Ézéchias encore, ces deux personnes-là ont restauré ces choses-là et célébré la Pâque comme Dieu l'avait dit. Longtemps après, même quand Néhémie va restaurer, ils vont célébrer aussi la Pâque. Et oh mon Dieu, puissions-nous comprendre ces choses-ci et vivre comme Dieu veut que nous vivions. N'est-ce pas, frère? Donc, on doit savoir que quand Dieu a mis quelque chose dans la Sainte Écriture, on doit faire tel qu'il l'a écrit. Dans Deutéronome chapitre 4, les versets 1, 2 et 3, il a dit à Moïse, Moïse dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, cette loi-ci doit être faite telle qu'on a écrit. On ne doit rien y ajouter, rien en retrancher. Et Dieu nous donne l'ordre seulement d'observer ses préceptes. Il ne nous donne pas de corriger quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui essaie de se connecter là, la Côte d'Ivoire a des problèmes ce soir. C'est pas qui essaie de se connecter. Le frère Yao, tu nous entends? Le frère Jacques de Lomé, tu nous entends? La sœur Assetou? La sœur Assetou? Oui, frère Junior. Tu étais où? Je n'ai plus de connexion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma connexion est finie, je ne savais pas, je suis allé recharger. Tu es sorti de la maison. Pardon? C'est qui? Il y a qui derrière toi là? C'est ma fille qui est derrière moi. Mmh. Le frère Paul Espérance est également parti. Vous nous entendez? Le frère Paul, tu y es? Je crois que le micro est fermé, ils ont des problèmes de connexion là. Le frère Jacques également, mais j'espère que vous allez nous suivre. Je voulais qu'avant qu'on aborde ces questions, c'est pour développer cela, il faut que je me rassure que tout le monde est en train d'écouter. Donc le frère Paul, si vous nous écoutez et qu'il arrive que vous nous écoutez, écrivez au moins sur le forum pour dire que vous en écoutez. Je ne sais pas si le frère Yao également écoute. Et le frère Jacques est du côté de Lomé. Le frère Eden également. Madoché Kwame. Le frère Thierry. Le frère Olivier Angoran. Oui, je crois qu'ils sont en train d'écouter. Donc, souvenez-vous que le Seigneur a donné beaucoup de précisions sur la Pâque pour qu'on ne puisse pas fausser. Et malheureusement, il a été, on ne peut plus clair. Les gens ont écarté sa norme et ont normalisé maintenant ce qui est écarté. Il y a des gens qui prennent cela le dimanche matin. D'autres qui prennent le dimanche soir. L'autre qui prend à chaque occasion de fête mondaine qu'on a amenée en Christ. C'est-à-dire que d'autres prennent le 24 décembre. L'autre prend le 31 décembre, l'autre prend le 1er janvier, l'autre prend 4 fois par mois, l'autre prend après le baptême, l'autre dit non, quand je suis baptisé, vous voyez l'histoire catholique, ça a vraiment infesté des gens. il y a des gens qui organisent le baptême souvent les jeudis. Après, ils disent vendredi soir, on aura la scène, c'est pour les baptiser. Et quand ils mangent comme ça, ils sont sûrs qu'ils ont. Le frère Paul, à Espérance, votre micro est ouvert maintenant. Vous nous entendez, n'est-ce pas? On vous entend, on vous entend. Oui, ça va. Voilà. C'est, votre vidéo n'est pas encore venue. Et donc, quand les gens mangent comme ça, c'est vendredi soir, là, après le baptême, ils disent non, j'ai été baptisé et puis j'ai aussi communié. Vous voyez, l'histoire des baptisés, confirmés, communiés de l'Église catholique, là, les infectés, ils ne savent pas que c'est ça dont il est question. Alors, puis-je dire à quelqu'un ce soir que la fête de la Pâque, ou mieux encore, la Sainte-Sainte chrétienne, se fait en une période déterminée, d'année en année? Puis-je le dire encore et répéter une fois pour toutes que Christ est mort une fois bien précise? Il a bien dit que j'ai attendu, j'ai souhaité de boire cette coupe-ci. Il ne pouvait pas faire ça n'importe quand. Il y a un moment précis. Il attendait que ce moment-là soit accompli. J'ai désiré tant boire cette coupe-ci avec vous avant que ça ne soit accompli. Donc, ça veut dire que c'était un coup de soulagement pour lui que cet événement se passe. Mais aujourd'hui, c'est que chacun prend un dimanche matin. Il y a même d'autres pasteurs qui disent que non, il faut qu'on envoie les diacres vers les gens qui sont dans les hôpitaux. On parle les données, ils mangent dans les hôpitaux pour que ça les guérisse. Honte à vous seulement. Honte à vous. Honte. Et la Bible déclare clairement qu'on ne doit pas le manger hors de la porte. C'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas où on a pris cette coutume-là pour commencer à sortir avec encore que ce n'est même pas la Sainte-Sainte. Maintenant, je veux qu'on lise quelque chose pour que vous voyez quelque chose sur lequel le Seigneur Jésus insiste, ou le Saint-Esprit insiste. Ouvrez Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 8. On peut lire, frère. Souvenez-vous qu'on a commencé l'enseignement sur, je ne sais pas, quoi qu'on avait parlé des pasteurs, quelque chose comme ça là, dans la dernière séance, c'est ça, non? Oui. Et il y a une rattrapage qu'on doit faire. On n'a pas pu travailler parce qu'il y avait un manque de lumière. S'il y avait un jour qu'on devait continuer. Donc, nous sommes aujourd'hui, si possible, samedi dans la soirée, entre 22h, heure du Cameroun, on pourra travailler, si vous le voulez, très bien. Pour qu'on puisse rattraper ces jours-là. Si ça vous arrange. Si ça vous arrange, vous écrivez sur le forum pour que les autres en profitent. Pour qu'on on soit programmé pour samedi. Samedi 22h. Parce qu'au-delà de 22h, après, il doit travailler le Canada vers 1h. Donc il faut qu'on soit là à ce moment-là. Pour le Seigneur vous bénisse. Pour le Seigneur vous bénisse. Donc si vous êtes d'accord pour samedi, écrivez sur le forum pour que les autres en soient informés. J'espère que le Seigneur permettra qu'on ait la lumière. Alors, Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 8. Mon frère, allons-y. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Stop. Vous voyez comment il réitère encore cette même chose qu'on a dit dans Exode. Il dit observe le mois des épis. Vous voyez? Le mois des épis. Oh, vous vous souvenez qu'on a lu dans Exode tout à l'heure? Il a dit que ce mois-ci sera compté pour vous comme le premier mois de l'année. Le mois des épis. C'est que vous appelez le mois d'Abib ou mieux encore le mois de Nissan. On connaît le nom du mois de Nissan. D'accord? Avançons. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Stoppons là-bas. Donc, vous voyez effectivement que Dieu réitère qu'on a de faire ça comme commémoration. Parce que c'est à ce mois-là. Ça veut dire que si quelqu'un va faire cela dans le deuxième mois, il va me faire dans le mois de Kisle, dans autre mois, il a de faire ça pas parce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas fou pour donner le nom du mois. Il a dit c'est en ce mois-ci. Supposons par exemple que la Côte d'Ivoire ait gagné par exemple la course, la Coupe d'Afrique de quoi que ce soit. Et qu'il veut célébrer cette Coupe-là chaque fois. Ils vont le célébrer parce que c'est en fin de commémoration de la Coupe qu'ils ont gagnée telle année. Ils vont le faire dans cette même période-là. Ça n'a pas de sens s'ils portent la Coupe qu'ils ont gagnée en février, comment la célébrer chaque mars. Ça n'a pas de sens. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est une commémoration. Dieu dit observe le mois des épis. Il revient sur ce même mois-là. Continuons. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Oui. Tes victimes de menu et de gros bétail, oui, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Soulignez ce mot-ci, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Soulignez ça. Et je veux que vous, chaque fois que vous allez lire l'Ancien Testament, faites attention à cette expression-ci. Et puis on va en parler. Voilà. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Allons-y. Enlève la batterie. Pendant la fête, oui, tu ne mangeras pas du pain levé. Oui. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Oui. Donc on voit effectivement que les Juifs célébraient cela, les pains, il n'y a pas de levain. Et puis plus tard en bas, comme on va voir, il n'y aurait rien de la levure. Il y a même des gens qui veulent faire comme ça. C'est pour ça que si Dieu ne vous a pas envoyé enseigner, vous allez enseigner n'importe quoi. Il y a des gens qui veulent aussi faire comme cela se doit. Ils font vraiment le pain qui n'est pas levé, ils mettent sur la table. Après, à côté de ce même pain qui n'est pas levé, ils mettent des beignets. Beignets soufflés, autre style de gâteau. Avec le gâteau là sur la table, c'est quand même terrible. Continuons. Du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Oui. Continue. Il en sera ici, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays, de ton pays, pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Voilà. Mais, oui, mais, ce sera... Mais, c'est dans le lieu... que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Voilà. Que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Vous avez entendu ça, frère? Alors, il dit le soir au coucher du soleil. D'autres personnes disent qu'ils peuvent manger ces celles-là le matin. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Mais toi-même, Paul Espérance, c'est toi qui étais l'enseignant des catéchistes. Tu enseignais quoi aux catéchistes? Mon frère, on ne faisait aucunement référence à ces parties-là de la Bible. Mais toi-même, tu enseignais quoi donc? C'est toi qui enseignais les gens qui devaient aller enseigner les catéchismes aux gens. Mon frère, c'est ce qu'on m'a appris. Donc, c'est ce que je fais. Il fait comment? Ah, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur vienne en aide, n'est-ce pas? Chaque fois quand vous voulez aborder un thème de la Bible, vérifiez que vous avez eu à couvrir ce thème-là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Quand vous amenez dans l'Ancien Testament, vous regardez ce que ça veut dire. Vous allez dans le Nouveau Testament, vous remarquez c'est à quoi ça se réfère. Vous le dites simplement, vous êtes en harmonie avec les Écritures. C'est ce qu'il faut faire. On ne rejette pas l'Ancien Testament. On ne rejette pas le Nouveau Testament. Il faut les faire en harmonie parce que c'est la même personne qui les a donnés. Il ne se contredit pas. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, il le dit nouvellement dans le Nouveau Testament, d'une certaine façon, en y apportant la révélation et la pleine révélation de ce qu'il voulait dire dans l'Ancien. Donc voilà ce qu'il est. On dit clairement que c'est au coucher du soleil. Et on voit effectivement, comme vous voyez dans les évangiles, Jésus va envoyer ses disciples aller préparer la Pâque. On dit le soir étant venu. Ils ont attendu l'heure du soir. Donc ils ont fait les préparatifs. Puis ils sont allés faire n'importe quoi qu'ils peuvent faire. Attendre jusqu'à ce que le soir arrive. Il n'a pas dit que je suis Jésus. Il veut se lever ma part à cette heure-ci. Vous voyez, frère, on n'a pas d'explication de faire ce qui n'est pas scripturaire. Et dans 1 Corinthiens 11, que tu as lu, verset 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, que fait donc lorsque vous assemblez, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous. Donc, personne ne peut décider de célébrer comme il le veut. Il y a un ordre dans cela. Il y a un ordre. En tout cas, souvenez-vous, la Sainte-Sainte tue. D'accord? La Sainte-Sainte tue. On a vu cela là-bas. Ça tue. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il n'est pas question de jeûner. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'on jeûne pour la Sainte-Sainte. On doit être seulement arrêté. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas venir devant la Pâque, devant la table du Seigneur. Il faut qu'on comprenne le pourquoi. Regarde, la Bible déclare que la coupe que nous buvons, ce n'est pas la communion. La communion au sang du Seigneur. Gardez-vous à l'esprit ces mots. Le pain que nous rompons. N'est-il pas quoi? La communion au corps de Christ. Vous savez cela? Que veut dire communion? Écrivez à Audrey Kouabinan de ne pas appeler. Elle doit joindre, tout comme le frère Yao a joint le groupe tout à l'heure. Frère, que veut dire communion? Quand vous entendez communion, d'abord, je crois qu'il y a un ancien catholique ici, là. C'est mieux qu'on essaie d'extirper ça de sa tête. Les rondelettes, ou c'est les pains de biscuits, là, que vous mangez souvent, ce n'est pas ça qu'on appelle communion, déjà. Donc, c'est quand on met comme ça, que vous n'avez pas le Spiritus Sanctus, on met dans la bouche des gens là. La Bible n'appelle pas ça communion. La Bible n'a jamais appelé la Sainte Seine la communion. Vous voyez, il ne sait pas où les catholiques sont sortis. Il ne sait pas si ces prêtres-là, il faut les chicoter pour qu'ils puissent comprendre. Il ne sait pas comment on va faire avec eux. Donc la Bible n'appelle pas ça, c'est que la coupe du Seigneur, la Bible n'appelle pas ça communion. C'est parce que c'est ici. La communion, donc, c'est la relation. D'accord? Donc, lorsqu'on boit du sang, ça nous met en relation avec le Seigneur. Ça montre que nous avons une relation avec lui. C'est pour ça que personne ne doit boire indignement. Vous ne pouvez pas aller commencer à toquer chez la maison de quelqu'un, ouvre la porte, alors qu'on n'a pas de relation. Vous allez chez quelqu'un toquer quand vous avez la relation. Vous pouvez insister là parce qu'on vous connaît. Quelqu'un peut aller vivre dans le péché n'importe comment, venir chez le Seigneur. Quand il dit, je mange, tu dois savoir ce que tu en as de manger. Donc, la chose qu'on met dans l'eau glacée, ou c'est quoi, le vin quoi de messe là, et met dans la bouche de quelqu'un, c'est la sorcellerie. Il faut faire attention. D'accord, frère? Il dit, alors dans 1 Corinthiens chapitre 10, je crois que je suis en train de parler, me regarder comme ça. 1 Corinthiens chapitre 10. Quel verset? Verset 14 à 22. Je crois que le frère Serge, après ça, tu notes les versets et le sujet sur lequel on a partagé ce soir dans le forum pour les frères qui ne peuvent pas se connecter. Que le Seigneur te bénisse. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 22. Livre, mon frère. Écoutons très attentivement. Ouvrez bien grand vos oreilles. Allons-y. Pendant qu'on y est. Oui. Francis Dibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Dès fermer ton micro le temps qu'on lise. Merci pour. Tu es très tôt là, on n'a encore rien fait. Hein. Continuons. Allons-y, mon frère. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous entendez ça? Hein? Continuons. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Stoppons là-bas. De Christ? Donc, vous voyez, c'est le fait qu'on rompe le pain qui est la communion. Ce n'est pas le pain qui est appelé la communion. Ce n'est pas la coupe qui est appelée la communion. C'est le fait que nous prenons la coupe qui fait la communion. D'accord? Par exemple, les chrétiens s'assemblent ensemble pour communier. C'est le fait qu'ils s'assemblent ensemble qu'on parle de communion, pour parler de l'entretien dans la relation. Ce n'est pas eux qui sont appelés la communion. Le frère Paul, toi là qui es un ancien catéchiste, là, qu'est-ce qu'on peut dire des catholiques là-même, des papes, des anciens camarades là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux justes pour qu'ils comprennent? Frère, oui. Je pense que c'est n'est pas encore. Je pourrais dire simplement que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que si aujourd'hui, même si tu vas leur citer la Bible, tant que le temps n'est pas arrivé pour qu'ils soient délivrés, ce sera difficile. Parce qu'en fait, c'est de manière émotive qu'ils sont encore là-bas. Ils sont tellement attachés aux prêtres, ils sont tellement attachés à. Ils sont tellement faits. Des amis là-bas, que serait difficile de pouvoir leur parler de tout cela. Parce que moi, j'ai un ami très proche avec qui j'ai grandi. C'est pratiquement mon meilleur ami. On a fait l'université ensemble. Je suis allé là-bas et je lui ai montré certaines choses. Je lui ai fait voir certaines choses. Où je lui ai montré une image du pape qui faisait le signe 666. Je lui ai fait voir aussi la vidéo de la salle d'audience du pape où il y avait un Jésus reptilien là-bas avec sa femme. Ils ont regardé, ils ont dit, oh mais ça c'est le pape, hein, donc ça c'est ça son... l'affaire. Il dit que c'est, le son... Pape fait ça. Il dit que c'est son problème. Oui, il dit que c'est son problème. Que bon ça le regarde, mais je lui ai dit, mais attends, si ton chef même qui est là-bas, lui-même il est sorcier, il dit que attends, ça va pas. Puisque toutes les décisions qu'il, qu'il prend là-bas est répercuté à la base. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, il dit non, ça c'est son problème. Bon, voilà, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, ce que je vais faire, bon, je vais le faire. Donc, vraiment là, si vraiment ils sont destinés, s'ils sont prédestinés, un jour ou l'autre, ils vont sortir. Et c'est difficile. Moi, je suis mon papa, je lui ai fait cas, je lui ai dit que j'ai découvert certaines choses. Je vois le pape qui fait le 666. Il dit, moi, je l'ai traité de sorcier. Il dit que tu as insulté, voilà. Il dit que tu as insulté son pape, il est lui-même aussi de sorcier. Oui. Il dit que moi je le traite de sorcier parce que si le pape fait ça et que lui est dedans, ça veut dire que lui aussi il est sorcier. Mm-hmm. Bon, c'était trop compliqué, donc j'ai pas voulu trop avancer dans cette histoire. Donc c'est difficile. Moi, c'est par la grâce de Dieu que je suis sorti. Mm. Donc, parlons qu'on y est. Alors, dis-nous comment tu as fait pour sortir, même au juste, toi qui formais les catéchistes, comment tu as fait pour comprendre, pour que ça te libère comme ça? Comment? C'était étonnant, pas vrai? Mon frère, rien ne marchait dans ma vie. Rien. Mm. Rien. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu une maîtrise en sciences éco. Je suis allé à Air Afrique et j'ai été là-bas pendant longtemps, près d'une dizaine d'années. Mm. Rien ne marchait. Au contraire, je patougeais toujours dans les péchés. Mm-hmm. Masturbation, pornographie et tout cela. Donc j'ai dit non. Et entre temps, tu étais formateur de catéchistes. Oui, mon frère, j'étais formateur. J'étais formateur et je priais beaucoup même. Je faisais des neuvaines, je faisais des veilles de prière. Plein. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, oui. On faisait des veilles de prière jusqu'au matin. On faisait près de 1000 Ave Maria. Moi, j'en ai fait ici près de 9000. 9000. Non, tu es persévérant, mon frère. Non, le jour même que tu vas entrer au ciel, là, va saluer Marie, tu comprends? Non, tu pars, tu la salues. Tu comprends? Oui. Donc, vraiment, rien n'avançait, quoi. Rien n'avançait. Même quand j'étais chez le papa, je faisais des cauchemars. Je criais la nuit, vous-même venez dire, mais il y a quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pourtant, j'étais très engagé à l'église là-bas. Mais j'ai donné de mon temps, de mon énergie, mais... Donc là, je me suis posé plein de questions. Ça a tombé sur le fait que j'ai fait mon accident et ça consistait avec l'arrivée de votre femme ici. Comme Dieu ne fait rien au hasard, bon voilà, c'est là que tout a déclenché. En tout cas, que son nom, voilà, soit glorifié. Quand tu regardes dans le passé maintenant, tu vois les soutanes blanches, que tu vois vraiment que les soutanes blanches sont tachetées de noix boueuses, n'est-ce pas? Mon frère, ça là, c'est difficile, hein, mais voilà, c'est difficile, mais bon, peut-être qu'ils vont comprendre par la suite. Amen. Non, actuellement, ils sont très, très, très, très, très attachés. Amen. Donc, dans ce Deutéronome chapitre 16, le Saint-Esprit nous dit là-bas que ce n'est pas n'importe où on doit célébrer la Pâque, que c'est dans le lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire résider son nom. C'est pour cela que même Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents ont quitté Nazareth pour aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem, qu'on devrait célébrer, cette fête-là devrait être célébrée à Jérusalem. Même si tu étais de n'importe où, les Juifs venaient même de la diaspora pour venir à Jérusalem dans ce moment-là, parce que c'est connu. Si c'est une date qui n'est pas connue, c'est qu'on ne peut pas savoir qu'il y aura un rassemblement à Jérusalem. Dans le chapitre 2, c'est à l'issue de la Pentecôte, justement, parce qu'une fête de la Pentecôte, parce qu'après 49 ans, la 50e, c'est une célébration de la liberté où on libère les prisonniers, on se libère des dettes et autres, de toutes les choses que tu as sur le cœur. Les gens connaissaient les jours et les dates depuis Moïse. Donc Dieu insistait que. Enfin, parce que là-bas, ils étaient dans le désert. Ils devaient faire des choses. Dieu leur donne en présage, en prélude, qu'ils entrent dans leur pays. Quand ils vont entrer dans leur pays, il y aura un lieu que Dieu va choisir pour y faire résider son nom. C'est là-bas qu'ils vont faire ces choses. Ce n'est pas n'importe comment. Et donc, quand ils entrent, Dieu choisit Jérusalem. C'est là où il a fait résider son nom. Un symbole du Seigneur Jésus. Ça veut dire que chacun. La chose ici, c'est à remarquer que personne ne célébrait sa scène comme il voulait. C'est ça que je veux qu'on comprenne là-bas. Personne ne célébrait comme il voulait. Vous posez la question à un pasteur, vous faites comment? Il dit, oh, moi, chez moi, j'organise ça chaque fin de jeudi, chaque fin de mois. À un autre pasteur, il dit, nous organisons deux fois par semaine. À un autre, c'est chaque fin d'année et chaque 25 décembre. Je vous ai surpris. Dans ce cas, ils lisent quelle Bible? Quelle Bible? Que veut dire commémoration? Il y a eu un temps où Jésus a été livré. Un temps où il s'est levé, il a pris la coupe. Un jour, on peut connaître ce jour-là dans le calendrier. Non, c'est pas quand même terrible ça. Il dit, faites ceci à mémoire de moi. Et il vient dire cela à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. C'est que dans la nuit où il fut livré, pris du pain. dont Jésus a, est après la résurrection, a dit ça à l'apôtre Paul. Donner les détails de ce qui s'est passé cette soirée-là. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas appris ça d'un homme, ni par la corps de théologie. Ce n'est pas les apôtres qui ont raconté ce qui s'est passé cette jour-là. Dans 1 Corinthiens, on dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. Il n'a pas dit, j'ai reçu de l'apôtre. Il dit, du Seigneur. C'est que dans la nuit où il fut livré, dans la nuit, pris du pain, la nuit, il prit du pain dans la nuit. Non, mais c'est terrible. Jésus, longtemps, après plus de 30 ans, vient dire la même chose à l'apôtre Paul. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. De même, après le souper, donc l'apôtre, le Seigneur lui a dit qu'après qu'on ait mangé, après le souper, il prit la coupe, après le souper. Là, le souper, c'est après, on prend la coupe après le souper. C'est écrit là-bas. L'apôtre Paul dit que là, le Seigneur lui a enseigné cela. J'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, ce que l'apôtre Paul, le Seigneur a fait avec les apôtres dans Matthieu, Marc, Luc, là où le frère Paul n'était pas présent, Jésus est venu donner les enseignements détaillés de ce qu'il a fait ce soir-là. Pour qu'il puisse enseigner la même chose, pour qu'il n'y ait pas d'incongruence entre eux, ses enseignements et les enseignements des autres disciples. Pourquoi le Seigneur en a ces détails? Parce qu'il avait dit aux disciples qui étaient présents là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. S'il y avait des discordances dans les enseignements, c'est qu'on devait avoir les divisions des sectes comme ça. Vous voyez ça, frère? Il dit, car j'ai appris du Seigneur. Gardez-vous à l'esprit ceci. Donc si l'apôtre Paul enseigne, ce qu'il enseigne ne vient pas de lui. Parce qu'il n'était pas présent le soir là. J'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, ce qu'il a donné, d'après ce qu'il en a donné comme enseignement, c'est que en Corée, il leur a donné cet enseignement. J'ai appris du Seigneur. Il n'a pas dit, j'ai appris du Seigneur ce que je vous apprends, ce que j'enseigne, ce que je vous ai enseigné. Donc, il leur a donné cet enseignement. Il dit, c'est que la nuit, dans la nuit où le Seigneur fut livré, pris du pain. Donc, il a pris du pain à quelle heure, frère? Quelle période de la journée? Le soir. Dans la nuit. On dit donc, de même, après avoir soupé. C'est quoi le souper, frère? C'est le repas du soir. Le repas du soir. Jésus dit, lui a enseigné cela plus de 30 ans après, qu'après le repas du soir, je leur ai donné la coupe. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Vous voyez cela? On a des problèmes. On a des problèmes. Donc, dans ce 1 Corinthiens chapitre 10, où nous nous trouvons maintenant, j'espère que quand on parle, on avance, on ne sait pas où. Ne vous égarez pas. On est dans 1 Corinthiens chapitre 10 là maintenant. Vous avez la Bible ouverte, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit que nous lisons le verset 14 au verset 22. N'est-ce pas? Ah, tu avais la fermée, frère? Non, c'est pas fermé. Allons-y donc. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez en vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Stoppons là-bas. Car... Non, stoppons là-bas. Dans les dimensions, vous voyez combien de pain, frère? Une multitude. Plusieurs. Plusieurs pains. Oui, les petits pains. Les petits, petits pains, non, ça dit les pains. Petits morceaux de pain. Les petits morceaux de pain, ça dit les pains, non, les petits morceaux de pain. Beaucoup dans le panier. Une centaine. Et là, la Bible déclare, peut-être le verset dit que les pains que nous rompons, ce sont les communions au corps du Christ. Mais là, on dit quoi? Il dit, puisque il y a combien de pains, frère? Un seul pain. Ça, souvenez-vous, la personne qui a écrit, c'est l'apôtre Paul, il écrit ça plus de 30 ans après que le Seigneur ait fait cela. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, c'est parce qu'ils étaient seulement 12 dans le corps là-bas. Ils étaient seulement 12 à la chambre haute. Là, c'est plus de 30 ans que l'apôtre Paul a dit que puisqu'il y a. Et les Corinthiens, c'est pas, les Corinthiens, l'église des Corinthiens, c'est pas seulement 12. N'est-ce pas, frère? Puisqu'il y a un seul pain, parce que malgré quoi, frère? Puisqu'il y a un seul pain, oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voilà. Parce que chaque personne participe à un seul de ces pains-là, n'est-ce pas? Il prend une partie. Ah, ils sont tous à un même pain. Voilà. Croyez les Israélites selon la chair. Oui. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Stoppons. Vous avez vu cela? Il renvoie dans l'Ancien Testament justement pour montrer, il dit, les sacrificateurs et les lévites devaient manger les victimes qui étaient sacrifiées à l'autel. Il dit que ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas à quoi, frère? Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous voyez effectivement que ce n'est pas l'autel qui est la communion. C'est le fait qu'il mange qui les met en relation. Parce que ça les met en relation devant la personne qui est invoquée sur cet autel. N'est-ce pas, frère? Et de la même façon, la participation à la table du Seigneur nous met davantage en communion, en relation avec la personne sur laquelle il est. Parce qu'on fait en commémoration de lui, en se souvenant de ce qu'il a fait pour nous. Donc, une fois de plus, on a dû corriger ici. La communion, ce n'est pas la chose qu'on prend. Continuons. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Bien, fin de citation. Et non à Dieu. Fin de citation, c'est bon. Donc on peut dire sans risque de se tromper que la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, sans discernement, va vous amener certainement à la mort. Et la Bible nous a exhorté dans 1 Corinthiens 13, 11 là, de ce que chacun se juge soi-même afin de manger. D'accord? Que chacun se juge soi-même afin de manger. Donc, si on vous juge, vous savez que vous êtes digne de manger, avancez. Si vous savez qu'on n'est pas digne. Parce qu'il a dit que si quelqu'un. Allons encore dans 1 Corinthiens. Non, est-ce que tu as fini là, verset 24 là? Mais soit avec toi, verset 20. Continuons. Vous ne pouvez boire la coupe. C'est le verset 21 maintenant. Oui. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous entendez, n'est-ce pas, frère? Continuons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Répondez à la question. Souvenez-vous, la table du Seigneur, quand vous mettez du ndolé, du bissab ou n'importe quoi là-bas, ça tue. Donc la Sainte-Sainte tue. Côte d'Ivoire dans la Sainte-Sainte. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est bon. Tout n'est pas utile. C'est bon, ça va, frère, ça va. Même la mort nous est permis, n'importe quoi. Bon. Allons-y pour comprendre une histoire de plus. La communion avec le corps du Seigneur Jésus. Si nous ne discernons pas avant de participer au pain, participer à la table du Seigneur, on est en train d'attirer un jugement sur nous. Donc prenez donc le temps d'examiner. Ces choses-ci, c'est pour montrer effectivement que lorsqu'on fait cela, on dit, quand nous participons à son corps, nous participons à son sang, ça montre clairement que nous participons à sa vie. Et sa vie, c'est la vie de sainteté. Ceci montre clairement que nous acceptons et nous entérinons notre relation avec lui en croyant qu'il est mort et a brisé sa chair pour notre rachat et par conséquent que le péché est mort en nous et nous vivons par lui. Donc si quelqu'un vit avec la femme d'autrui ou une femme soit avec le mari de quelqu'un, approchez-vous d'abord, vous allez voir. Si quelqu'un vit dans l'idolâtrie, il a dit fuyez l'idolâtrie en commençant là-bas. Il dit qu'il parle à des hommes. Donc si vous savez que vous vivez dans l'idolâtrie, vous allez en train d'adorer un autre démon. Et puis vous venez à la table du Seigneur. Vous voulez attirer sa colère. Donc il faut que chacun se mesure. Discerne ce qu'il fait dans sa vie quotidienne. Les actions secrètes que nous faisons ne peuvent pas être cachées. Avancez-vous à la table, vous allez voir. Souvenez-vous avant de vous approcher de la table du Seigneur. Gardez-vous cette voix dans l'esprit. La sainte sainte tue. Et comme cette voix s'est à Dieu, ça va commencer à tuer. Ça va commencer à briser. Vous allez savoir qu'il faut faire attention avant d'avancer. Mesurez bien dans ce clé-là. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas dans la sainteté, on peut s'arrêter ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Allô, frère Junior. Oui, le frère Jacques. Ouais, c'est Yao Jules. C'est Yao Jules. Ah, le frère Yao. Oui, parle-moi. Ouais. Ah oui, je vois que vraiment par les adorations que tu viens de donner, je me souviens. Vraiment, parce que là où j'étais avant, il a été bu, même d'abord, même, il a dit, Et là-bas, il y a vraiment, on avait deux fêtes actuelles que chaque année nous fêtons. Mm. On a la fête de la Pâque, comme on le dit, fête de Noël. Et donc, on a deux sorties là, dans l'année. Mais là-bas, ce que je n'ai pas conscient, c'est que quand nous sortons, chacun de nous vient avec un pain, un bâton de pain, lui sort une bouteille de vin. Donc, nous sommes presque, en ce moment, nous sommes presque 2000 personnes, dépassées même que ça même. Donc, chacun de nous venait avec ça. Donc, on s'est réunis comme ça, on décide. La pauvreté de descendre par la porte, ou soit par une fille infidèle, soit infidèle. Et après, cette année, nous sommes décidés qu'on aille manger la Pâque, soit à Yam Zokro, soit à Tmoudi. Et quand ça décide comme ça, tout le monde se rend là-bas. Et là-bas, c'est quand on commence la fête, on commence à donner enseignement, d'enseignement du 8h jusqu'au plus tard, minuit, ça commence. Donc, on renverse tous les vins que chacun de nous a emportés avec les pains et on réunit même les barriques avec même des gros bassines et les apôtres. Il y avait presque 7 apôtres à ce moment, il y avait 7 apôtres. Et on découpe les pains en morceaux, on peut remplir au moins les 4 gros bassines comme ça de pain. Et les autres, la bassine, on peut remplir au moins 4 bassines, 5 bassines comme ça de pain. Et là, maintenant, il y avait des petites boîtes comme ça. Et on fait le rang. Le rang peut quitter Abidjan comme ici à Yamsoukro. On fait vraiment beaucoup. Ça peut commencer, on peut commencer à prendre cela à minuit. Souvent, de minuit, ça peut terminer à 4h du matin parce qu'on est beaucoup. Donc, on fait le rang. Et chacun vient, on te donne le petit verre comme on te donne coupé, tu mets dans ta bouche et puis tu prends le petit verre comme un verre de café, c'est le vin dedans, et tu prends, tu bois et puis tu passes. Et c'est ce qu'on faisait là-bas. Donc, on faisait ça, commence à parler de minuit. Et là, quand on faisait, moi, je ne savais pas que vraiment, dans la parole même là, pour qu'on puisse avoir au lieu d'une soirée, selon la Bible, c'est entre la paille de 18h, la journée finit à la paille de 18h, on ne savait pas ça. Donc, on commençait à la paille de minuit, souvent ça finit à 5h du matin. Et quand ça finit, les pains qui restent, souvent même, on finit à 6h. Les pains qui restent là, on partage aux enfants, parce que là-bas, tout le monde, parce que là-bas, une fois que si tu rentres là-bas, que tu as un enfant, même si tu es né aujourd'hui, le même jour de l'année, on lui baptise. Même l'enfant, on baptise tout le monde. Donc, quand en partant, si tu es baptisé, même si tu as un niveau de l'idée, un an que tu es baptisé, on lui donne. Donc, tout le monde prenait cela. Donc, par l'enseignement, parce que j'ai écouté l'enseignement où tu as fait sur. Comment on appelle radio là au Cameroun, on est radio là. Radio Bonne Nouvelle ou bien quoi là. Dynamique FM. Concernant sur la Saint-Saëns, quand tu as fait l'enseignement, il y a écouté. Dynamique FM. Là-bas, il y a été dévé de cela. Amen. Donc, vraiment, c'est un petit peu. Il y a vu que vraiment. C'est vraiment clair, toutes ces choses-là, vraiment, c'est clair, comme la CACTO, on entend des choses intéressantes. Fais ton micro, c'est que tu es en train de bouger. La CACTO, fais ton micro. Tu as vraiment reçu, là, vraiment. Mm. Oui, mon frère, Yahou parle. Voilà. Donc, c'est vraiment simple, mon frère Junior. C'est vraiment très simple, parce que de là-bas, il est compliqué, la Saint-Saëns, c'est vraiment quelque chose vraiment très important dans la parole. D'abord, avant l'on prenait là-bas, ce n'est pas vraiment biblique. Et tu vois. Donc, dans cette chose-là, il est compliqué vraiment. C'est depuis ce jour, moi, ça a été même le frère même qui était à Roubaix. Même aujourd'hui, il était avec moi, on a parlé de ça. Tout à l'heure, le frère, au corps d'expérience, a posé une question. Il a posé une question parce que nous sommes dans le moment. Parce que moi, j'ai compris vraiment le sens. Donc, vraiment, cette Pâque-là, vraiment, depuis même la date a été lancée, j'entends cela avec patience. Mais pour les frères autres, vraiment, j'ai pris beaucoup parce que le Seigneur, comme on le dit, c'est le Seigneur amour. Mais quand tu ne sais pas, il ne te fera pas. Mais au moment que tu es au courant, quand tu t'avances dedans, tu vas subir la conséquence. Donc, moi, ceci parce que le frère, tout à l'heure, a posé une question. Parce que depuis le frère Olivier a dit, c'est que la Pâque, c'est la première fois qu'on le voit ici. Moi, il y a déjà ça. Mais là, dans le compte, ça, qui n'est pas ça. Mais il a décidé que la Pâque, vraiment, on vient manger vers lui là-bas, du Bougon. Mais il a publié vraiment cela, après presque une semaine. On voit que si vous voulez, du coup, la grâce est demain, la raconte. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu la réponse. Personne n'a agi. La publication qu'il a fait sur le forum, personne n'a. À agir. Tout à l'heure, en commençant, le frère Paul Espérance a posé une question. Il dit le frère Ngoran a publié vraiment certaines choses et il voulait savoir est-ce que c'est vraiment scripturaire ce qu'il a publié. Donc, pour que ça soit. Et il veut vraiment une exhortation. Parce que même si quelqu'un ne parlait pas, il voudrait que ça soit le sujet parce que c'est le sujet du moment. Donc, il voulait savoir vraiment parce que il sait que les choses du Seigneur ne fait pas avec le menu. Il faut que chacun de nous savent d'abord avant d'avancer, comme tu as su très bien dit tout à l'heure. Donc vraiment, il faut que tu expliques un peu à le frère, parce qu'on ne peut pas aller dans ça, parce que c'est un moment où on va se réjouir. avec Jésus-Christ, avec ses disciples, ils ne savaient pas ce qui se passait. Jésus parlait de sa mort, ils pleuraient, d'autres même se lamentaient. Mais aujourd'hui, nous avons compris que vraiment la mort de Jésus-Christ est une grâce pour nous. Parce que si Jésus ne mourrait pas, aujourd'hui, on ne parle même pas de la vie aujourd'hui. On a compris vraiment la révélation, le but même pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Et on a vu que c'est à cause de la Pâque, comme lui-même l'a dit, il est venu à cause de la Pâque. Donc c'est vraiment très important. Donc vraiment, moi, les gens qui ont compris, qui ont la révélation, ils se réjouissent pour ça, vraiment, pour ça, ils ne veulent pas. Et c'est très important. Et quand tu connais vraiment le fond de ces choses-là, tu t'avances avec la libéralité, avec un cœur vraiment, avec vraiment la joie, parce que c'est la fête. Si vraiment, quand ils lisent vraiment la Bible, ils voient que s'il y a une fête concernant. Allô, frère Yao? Je crois qu'il a eu, il y a un défaut de connexion chez lui. Mais je crois que l'essentiel de ce qu'il a dit, vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Je crois, le frère Yao, tu nous entends? Oui, c'est bon, ça veut dire d'autres sont connectés. Alors maintenant, écoutez très attentivement. Je crois qu'il faut dire ça en termes simples pour que vous compreniez. Dans 1 Corinthiens 11 que nous avons lu là, l'apôtre Paul dit que j'apprends ceci, ces propos aussi de vous. C'est que lorsqu'on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Donc dans la table où ils se réunissaient, chacun apportait son repas. C'est-à-dire que voilà comment ça se réunissait. Les chrétiens dans chaque maison. Vous avez trouvé une maison par exemple. Supposons que vous allez aller chez le frère Paul Aspirance. Vous m'entendez là vous? C'est comme si les images là sont figées. Vous m'entendez frère? Tout ce que je dis vous entendez n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsqu'on se réunit, supposons que vous vous réunissez à Yupougon ou bien chez n'importe quel frère, les frères de chaque maison que vous connaissez, c'est pour ça que l'apôtre dit que lorsque vous réunissez, attendez-vous les uns les autres parce qu'ils se connaissent. Les frères qui se réunissent connaissent, on connaît que telle personne viendra. Donc, chacun prépare son repas que le Seigneur leur a mis à cœur, à disposition. Vous venez vous déposer sur une table ensemble. Le frère Paul Espérant va préparer, par exemple, la tchéké. L'autre personne va préparer la bouillie de patates ou ce quoi, n'importe quoi. L'autre va préparer du riz. Vous mettez sur la table. C'est ce qu'on appelle la table du Seigneur. C'est cette table-là qu'on appelle la table du Seigneur. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oh, ne ratez pas ce moment-ci là maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois que cette connexion-ci. C'est bon, là, vous m'entendez? Frère Eden, tu m'entends? Oui, essaie de redire tout ce que j'ai dit, voir. En fait, tu as donné l'exemple des Corinthiens qui, quand on dit Corinthiens 11, on voit que là-bas, chacun préparait chez lui et envoyait sur la table. C'est tout. Et aussi, on voit qu'il y a. C'est tout ce que vous avez suivi. Vous m'entendez? Le frère Nguessan, essaie de me dire exactement ce que j'ai dit pour qu'il sache si vous me suiviez. Je disais que la famille Paul Espérant prépare de la tiquée. La famille Nguessan prépare peut-être du foutou. La famille Eden prépare un autre repas. Et ils assemblaient cela dans un même lieu. Voilà, c'est ce que j'avais dit, voilà, toute dernière position. Merci beaucoup, frère, c'est exactement cela. Donc, ça veut dire que selon les lieux que vous rassemblez, vous assemblez ensemble, chaque famille apporte ce repas. Ce n'est pas obligatoire, c'est ceux qui l'ont. Parce que dans 1 Corinthiens 11, il dit que chacun commence par prendre son propre repas tandis que l'autre a faim. Il dit, voulons nous faire honte. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas la possibilité d'apporter le repas. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est en fait, c'est une fête. Et quand on vient à la fête, c'est pour participer, c'est à la table du Seigneur. La contribution que vous emmenez, c'est ça. Il n'est pas fait part de la contribution de l'argent. Faites attention avec cela. N'apportez pas cela au milieu du corps de Christ. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous apporter la nourriture, le repas, vous mettez là-bas. Maintenant, à l'issue de ces repas-là, se trouve donc ces vins que vous mettez en principe là-bas avec du pain non levé. Donc, il y a un pain non levé et puis il y a du vin là-bas. Donc, le jus de raisin, vous mettez le jus de raisin dans une coupe et un pain de l'autre côté. C'est pendant ce moment, je ne sais pas qui va officier. C'est l'officiant. Il y a un officiant qui doit faire ces choses-là. Pendant que vous allez manger, il va prendre du pain. Après avoir rendu grâce, il va rompre. Il va donner maintenant à l'assemblée, que l'assemblée puisse manger. D'accord, frère? Donc, il y a un enseignement là, la seule fête chrétienne. Vous pouvez prendre le temps de lire, de suivre ça ce soir ou bien peut-être demain en journée. Ou bien saisir cela. Et la précision sur la Pâque donnée sur Dynamis FM. Donc, vous suivrez cela. Souvenez-vous de ceci, pas de beignets. Beignets soufflés sur la table. Parce qu'il ne faut pas que quoi que ce soit se trouve là-bas avec du levain. Il ne faut pas que quelqu'un passe par la boulangerie pour dire, ah, j'ai pas la nourriture, moi j'achète le pain aussi. Ne faites pas cela. Et donc, chaque personne se sert la nourriture et puis l'officiant va rompre le pain pendant qu'ils sont en train de manger. Et après le souper, après que vous ayez tout mangé maintenant, il prend la coupe. Remarquez qu'on ne coupe pas le pain, on donne à quelqu'un. Vous donnez le pain, la personne coupe elle-même le pain, il mange et puis vous passez. Vous traversez, il coupe. C'est comme ça que ça se célèbre. Et c'est après le repas du soir que vous prenez la coupe. Parce que c'est après le repas qu'on prend. Tout le monde prend maintenant la coupe. Vous prenez une coupe, vous passez entre vous. Et si vous passez la coupe entre vous, ce n'est pas encore fini. Vous continuez à passer jusqu'à ce que ça finisse. C'est comme ça que ça se passe, frère. Que Dieu vous bénisse. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bonne soirée. Bon frère, félicitations. Bon frère, Junior. Emmanuel, là, le bébé. Ah, pour Emmanuel, bon. Que Dieu soit glorifié, d'accord? On n'est pas au courant, hein? Merci beaucoup. Tu n'es pas au courant de quoi? Ah! Du bébé? Mais on est arrivé. Qui t'a parlé du bébé alors? C'est tout à l'heure le frère Paul. Dans ce cas, parlez en dehors en off, parole pas. Parlez alors. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Souvenez-vous que je vous aime, d'accord, frère? Amen. Amen. Amen. Alors, vous passez une excellente fête. Je vous souhaite une bonne fête et que cette fête-là nous donne le souvenir que notre péché a été payé et que la personne qui l'a payé, ce n'est pas nous. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par le Seigneur Jésus. C'est lui qui a payé. Donc, faisons attention. Amen. Marchons dans la sainteté. Amen. Sachant que notre vie Amen. Est cachée avec Christ en Dieu et que à toutes les fois que nous allons marcher sur cette terre-ci, nous devons marcher pour lui être agréable et que son amour doit nous pousser à Amen. Vivre dans cette autre direction-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Oui, dans la paix à vous. Amen. Frère, bonsoir. Toi, j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Mon cœur. Que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Et tu es digne d'être être acclamé. Oh Jésus, nous t'aimons. Contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir